Et voilà, t'enlèves ton slip juste après lui avoir fait la bise. Elle va vraiment te prendre pour un gros obsédé. Waouh, il est d'accord pour se faire attacher et être mon esclave toute la soirée? Oh, c'est trop mignon. Pourquoi tu lui as montré toute ta collection de sex toys? Il va vraiment penser que t'es une malade mentale. J'y crois pas. On a exactement les mêmes. Même mon préféré avec les clous. Venir avec 5 copains, c'est peut-être pas super pour une première soirée échangiste. Il a compris que j'avais besoin de beaucoup d'amour. C'est peut-être l'homme de ma vie. Si vous n'aimez pas vos pratiques sexuelles tordues, quelqu'un les aimera pour vous. Rencontrez-vous à nos soirées SM, échangistes et autres parties fines en vous inscrivant sur l'application Orgic. Orgic. Love your perversions.